À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, la maison d'édition Format Anakodka Russie a fait paraître en brochure le 4 juillet l'œuvre classique du général Kim Jong-il, faisant toujours honneur à la pensée du camarade Kim Il-sung sur le mouvement de la jeunesse et aux exploits qu'il a accomplis en dirigeant ce mouvement.